pour les Wallace Bees, les clones d'Alicia Keys. Les gants qui visent le haut, divisent les flancs. C'est old school comme Curtis Blow. Trop cool, j'ai ce qu'ils font. Billy's Cone, Jean, Fizz, S. Bees, sans nuire à la peau d'un autre. Dans le monde, sans jouer la botte ni la montre. LB, te démontre que les ondes dans les jeans fusent. LB, dévergonde les uns, pas d'excuses, cousin. Les autres poussins crient, hey. J'kick le beat, hey. Duke les quitte, hey. Il est où le rap, plein de mélodies, de l'inédit, un peu de drame. Toucher tous les logis, tout un programme. En prose grave, j'impose le groove rap. Oh oui, j'sponsorise. Illégal comme le son des mecs tristes. Dans les sangs, maîtrise d'essence. Dans un local, j'aime bondir, ça m'égale. J'suis l'adolescent convalescent, c'est dire. Sur l'instru, j'm'étale. À l'aide de méthodes, j'vous donne du rap sans mentir. Si t'aimes les belles dents, crème, t'es la bienvenue, mamie. Hey, si t'aimes la vie d'Aloca, sans lesquelles tu fais un beat, papy. Hey, j'suis pas si sûr que leur décor est unable. Le rap souffre dans les photos de charme. T'as besoin d'hémoglobine, cousin. On se nourrit de démocline, on est des types bien. Hey, big up au West Indies, au reste. Biddies, shit dans la veste. L'encre de Chine dans nos textes. Hey, acrobate, vocalistique. Acrotelade sur un stick. Fait tourner à tous les types. C'est le son qui vient des tripes. Oh. La glace et le trip, MC, range ton slip. Les faces crisp, tant mieux. J'suis une meute, un pur prototype. J'suis pas le produit type, productif. LB, audible, à milieu. On dit que dans le milieu, j'suis pas très type, pas de l'élite. Moi, j'défile pas pour élite. Moi, j'bois des litres de notes. Fuck les titres, notre concept. J'ai soif que les clichés se rassoient. Comme en concert, j'ai pas de star. Bonsoir, mon taf, c'est vendre des bars en guise de lyrics. Secouer la viande qui brasse, c'est les risques. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Avec Ostax, prends place. Le voyage est sonore, trop classe. Hélas, pas de place pour tout le monde. Du sud au nord, la rénove, on fera en 12 ans. Hey, please, si t'es un homme, on fera quitter la zone. Chacun son tour, chacun ses tournes qui tonnent. Dans chaque team son tour et donne. Hey, please. Si t'aimes les belles dents, crème, t'es la bienvenue, mamie. Hey, please. Si t'aimes la vie d'Aloca, sans lesquelles tu fais un beat, papy. Hey, please. J'suis pas si sûr que leur décor est unable. Le rap souffre dans les photos de charme. T'as besoin d'hémoglobine, cousin. On se nourrit de démocrine, on est des types bien. West Indies au reste. Biddies, shit dans la veste. L'encre de Chine dans nos textes. Hey, please. Qu'est-ce tu crois? Les lois, les valeurs font le poids. T'as le Rottweiler, tu mords plus ta voix. Voilà pourquoi, quand je prends un micro, je suis chez moi. Je suis le schéma, le chemin le plus simple. Ma vibe, dans les enceintes, pas voile. Que du bon, c'est pas la prod du voisin. Tu me suis, les copies se gavent. La bave aux lèvres, ça joue les faux vénères. Ayons l'air, vraie merde. Trop de dames se perdent dans des trames trop spermes. Je vois plus des dames qui gèrent, mais des garces. Le moral à zéro, d'une gare au métro. Je réclame une cale, je sais, j'en mets trop. Il me faut ça, capte le flow. Il me manque une case, je chante faux. Plan, les kamikazes, les comiques, les asdiles. J'ai mis du spleen dans mes spliffs. J'ai mis une plume à chaque raid. Actif, pas acteur. Auteur de mes rimes, un gros cœur. Un élément moteur. Débiteur, c'est donnant, donnant. Comme donneur sur Donna. Le rap c'est violent, moins de pertinent que d'opulence. La populace lance et ça bounce. Si t'aimes les belles dents, crème, t'es la bienvenue, mamie. Hey, please. Si t'aimes la vie d'Aloca, sans lesquelles tu fais un beat, papy. Hey, please. J'suis pas si sûr que leur décor est unable. Le rap souffre dans les photos de charme. T'as besoin d'hémoglobine, cousin. On se nourrit de démocrine, on est des types bien. West Indies au reste. Biddies, shit dans la veste. L'encre de Chine dans nos textes. Hey, please. Si t'aimes les belles dents, crème, t'es la bienvenue, mamie. Hey, please. Si t'aimes la vie d'Aloca, sans lesquelles tu fais un beat, papy. Hey, please. J'suis pas si sûr que leur décor est unable. Le rap souffre dans les photos de charme. T'as besoin d'hémoglobine, cousin. On se nourrit de démocrine, on est des types bien. Yeah. dans nos textes.